François Morel, c'est à vous. Transis15, code de reconversion avec aujourd'hui mon gars Thomas. Bonjour Thomas, comment t'appelles-tu? Bah Thomas. La période est à la reconversion, hein, mon gars Bernard Guetta est parti chez les marcheurs. Oui. Et toi Thomas, tu as eu une autre idée. Hein. Mmh. Bon, je rappelle qui tu es, un gars qui n'en voulait mais qui savait pas trop quoi, qui cherchait un petit peu dans sa jeunesse, qui avait un petit peu tout raté, et qui un jour a eu une idée, c'est devenir jihadiste. C'est ça. Hein, c'est ça. Mmh. Parce que tu t'es dit, pour n'importe quoi, c'est pas facile en France, faut être juste, on vous demande de passer des examens, des CAP, pour n'importe quoi, hein, des baccalauréats, tu t'es dit, au moins jihadiste, il n'y a pas besoin de cursus particulier. C'est ça, ni talent particulier. Donc je crois que par ailleurs, tu étais intéressé par tout ce qui était décapitation. Oui, j'avais raté le CAP charcuterie. Donc tu t'es dit, je vais devenir terroriste. Tu pensais que c'était intéressant sur le plan relationnel? Ben oui, j'avais entendu parler de s'amuser avec 40 vierges. Oh là là, ah, il a de l'appétit, hein, mon grand Thomas. Mais peut-être qu'on t'avait pas prévenu que c'était une récompense qui avait lieu après le trépas. Oui, mais je savais pas où que c'était, moi, le trépas. Je suis pas un spécialiste en géographie. D'accord. Donc là, on peut dire que tu as fait chou blanc, puisque tu n'es pas allé jusqu'au trépas, mais jusqu'à la prison en Syrie. C'est ça. Ce qui a fait, en résumé, on peut dire que tu as même raté le cursus de jihadiste. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est parce que surtout que je suis contre l'oppression de l'État français, dominé par les mécréants, les croisés, les juifs. Voilà, d'accord. Voilà, hein, il a la langue bien pendue, mon grand Thomas. À propos de pendus, je crois que tu as été impressionné par les milliers de pendus en Syrie. Ah oui, c'est ça qui fait peur. Hein. Donc, tu aimerais mieux quand même être jugé par l'État français, dominé par les mécréants, les croisés, les juifs. Hein, d'accord. Mais c'est pas tellement pour moi que je demande, c'est pour mes enfants. Ah ben c'est tout à ton honneur, mon gars Thomas, que de ne pas penser à toi en priorité, mais de penser d'abord à tes enfants. Tu en as combien? Ben zéro pour le moment. D'accord. Tu m'as dit aussi que c'était pas toujours facile la vie en Syrie. Hein. Par exemple, au petit déjeuner, il y a pas toujours de Nutella, il y a pas la Wi-Fi. Tu confirmes? Ouais. Ah oui, c'est ça qui est dur. Hein. Oui, d'accord. Eh ben, merci Thomas. Ce que je propose de mon côté, car je suis un petit peu comme toi, hein, toujours à l'affût d'idées nouvelles, eh ben je propose peut-être qu'on organise une petite cagnotte chez les ch'tis. Litchi. Bon, c'est ça. Afin de venir en aide à l'occasion de ton procès en France pour toi, ta famille et surtout pour tes enfants que tu n'as pas encore. Et tu pourrais peut-être quand même, par l'occasion, remercier l'État répressif français, comme tu dis déjà, dominé par les mécréants, les croisés et les juifs. Merci Thomas. Merci. Ben, on leur dira, c'était aujourd'hui mon gars Thomas, un gars qui n'en voulait. Merci à tous les deux, François Morel et Thomas Legrand. Il faut absolument voir cette vidéo sur le site de France Inter.